L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a fait paraître sur l'Internet un article titré « Patrie authentique du peuple » sur la République populaire démocratique de Corée, qui s'est transformée en état véritable du peuple sous la direction des grands hommes d'Ektusan.